BD pas content, Xavier. Parce que. Ah oui. Ah non, mais là. Scandale. Là, je suis. Colère, je suis colère, trahison. Je suis trahison. Ça ne va pas du tout. Je suis courroux. Je suis courroux. Homo courroux. Coucou. Comme dirait Pierre Desproges. Ça, c'est vrai. C'était historique. Je suis courroux parce que je n'arrête pas à mon grand dame de dire du bien de Soleil alors que ça m'étonne moi-même. Et surtout de sa fameuse saga, L'Enfeuse de Troie et des bah trônes oui. de Troie. Ouais, c'est ça. L'Enfeuse parce que... de l'espace. Voilà. L'Enfeuse, c'est de l'espace ? Je ne sais jamais. Oui, de l'espace. Des étoiles. De l'espace. Ouais. Bon. Et c'est oui, parce que moi je trouve ça drôle, il n'y a rien à faire. Bon, L'Enfeuse, c'est vrai qu'en soi, à l'époque où ça a été lancé, ça fait quand même un bail maintenant, c'était relativement novateur, c'était assez sympathique, il y avait des bonnes blagues. Bon, ça ne va pas très loin, ok. Les Trolls de Troie, ben, c'est de la gouaille, c'est rigolo, voilà. Et puis, bon, c'est vrai qu'il commence peut-être quand même à en faire un petit peu beaucoup. Il y a eu le truc Chevalier de Troie ou quoi ? Conquérant de Troie. Qui n'est pas mal, mais qui est une série qui s'est apparemment arrêtée parce qu'il n'y a plus de parution. Je sais pas, peut-être un petit peu étonnant, mais enfin bref. Donc, nouvelle série avec des nouveaux gags dessinés par plein de gens, puisque on y retrouve Tarquin, mais on y retrouve aussi un monsieur, un DAV, D-A-V, je ne sais pas qui c'est, et pas un Dave. Lise. Non, pas Dave. Et Lise, je sais pas qui c'est. Et Arleston aux manettes, comme dans toutes les sagas et les sidekicks de. Les spin-offs. On dit pas sidekick, hein, on dit spin-off. Sidekicks, mais c'est autre chose. Oui, c'est ça. Donc, au dessin, Tarquin. Scénario, Arleston et Dave. Couleur, Lise. Et grosso modo, le petit Spirou meets l'Enfeuse de Troie. Et donc, on retrouve des gags avec l'Enfeuse petit. Sixi petite et Sian, c'est ça ? Je ne sais jamais son nom. Oui, Sian. Sixi et Sian, les deux sœurs, hein, la brune et la blonde, petite et tout ça. Et puis, grosso modo, c'est tout. Nicolède, hein, le papa de Siam et Sixi, qui deviendra plus tard grand maître, machin, broum broum, dans. Parce que ça se passe évidemment historiquement avant les Lanfeust, c'est logique puisque c'est l'Enfeuse petit. Hein, voilà. Assez peu de personnages secondaires et en fait des bonnes blagues de petit enfant à la petite Spirou. Le problème, c'est que si on prend l'humour de l'Enfeuse, le vocabulaire de l'Enfeuse et les mœurs du petit Spirou, on obtient quoi ? On obtient les trolls, grosso modo. Et donc on se retrouve avec des personnages, ce qui est rigolo, qui fonctionne un peu bien dans l'Enfeuse, c'est qu'on a l'opposition entre les trolls qui sont de joyeux barbares complètement mortellement barbares, et les humains qui sont quand même un minimum civilisés, qui ont des pouvoirs et tout ça. Bah ici, en fait, c'est des humains qui se comportent comme des barbares. On croirait voir des petits trolls. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Virginie, tu disais oui, c'est des petits trolls. Mais oui, en fait, c'est quasi des petits trolls. Donc ils font vraiment... C'est gros, il y a plein de gags qui tournent plus bas que la ceinture avec des bestioles qu'on dézingue avec des paix, avec des reux, avec du vomi, caca boudin, voilà. Les bons basiques, quoi. Les bons basiques, mais les bons basiques des trolls. Alors, ça fait très bizarre. Alors, on n'échappe pas, évidemment, à une magnifique scène d'anthologie avec, bien entendu, un cheval de Troie. De Troie, hein, oui. Oui, logique. Donc, voilà, il n'y a pas un gag qui vole plus haut que l'autre. Ce qui fait que, bon, pour l'homogénéité du truc, grosso modo, c'est intéressant, mais l'homogénéité à ce niveau-là, c'est qu'il faut se baisser relativement bas. Bon. C'est pas complètement inintéressant. C'est vrai qu'il y a des moments où on sourit. Franchement, moi, j'ai pas rigolé comme un fou. Je crois plus qu'une fois tout au long des 50 planches. Mais vraiment plus que ça, c'est le concept moi qui me laisse un peu pantois. Il y avait déjà les trolls. Il y avait déjà le petit Spirou. Pourquoi? Pourquoi pour tirer les gnomes de Troie ? Ah oui, non, mais pour en vendre plus, ça je vois bien. Ah là, alors là, je suis content. Parce que du coup, je vais pouvoir dire du mal de Soleil. Parce que voilà bien, un truc à la Soleil, ça fonctionne. Donc on va en faire un spin-off supplémentaire. Ben moi, je regrette. Sur ce coup-là, les gars, je ne marche pas. Et c'est globalement moche aussi, non ? Il y a un truc dans le dessin, je sais pas. Parfois, c'est réussi. Et puis parfois, c'est Tarquin, toujours. Et je sais pas. Tarquin, mais on dirait qu'il a fait ça le matin en se levant avant son café. Voilà, et puis c'est dit, les décors, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Non, ah bah ça prend du temps, surtout, ah, pour pas grand-chose, donc on va peut-être pas... Voilà. Bon, et... je sais pas, moi, vraiment, je suis un peu sidéré par ce truc, je le trouve, pour moi, inutile. Et c'est dommage. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que ces auteurs-là, ils ont clairement pas besoin de faire ça. Ah non, c'est sûr. S'ils le font, à mon avis, c'est uniquement pour faire rentrer des sous dans la poche de... Comment s'appelle-t-il, Mourad ? Je ne sais plus. Le patron de Soleil, enfin soit, peu importe. Qui lui non plus n'a plus besoin, finalement. Lui, mon Dieu. Bah, si, on a toujours besoin. L'argent appelle l'argent, il faut que, voilà, faut que ça vive. Mais là, je ne comprends pas. Carrément, ça, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi le positionnement, c'est un positionnement risqué, c'est pas réussi, c'est pas joli. C'est à moitié drôle, mais enfin bon, les trois quarts des gags, on les a déjà vus ailleurs. Et c'est sorti récemment ? Et ça vient de sortir. Voilà, nouveau spin-off. Peut-être qu'il semblait... parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les trolls, si j'ai bonne mémoire, le prochain album des trolls sera le dernier. L'Enfeust, c'est fini. Mais peut-être que... Ils avaient ressorti toutes des éditions spéciales pour l'anniversaire. Oui, ils ont sorti des intégrales, des box, des machins, tout ce qu'on veut. Mais enfin, la saga est finie, quoi. Clairement, voilà. Je sais pas. À part tirer sur la corde, je vois pas l'intérêt. Une BD spéciale Noël. Pour les gens que vous n'aimez voilà, pas. Voilà, si vous n'avez pas d'aspiration. Si vous n'avez pas d'amis, que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un vous que vous n'aimez pas. Plus, vous n'en voulez plus, quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui aimait bien l'enfeuse, et que vous voulez qu'il aime plus l'enfeuse, voilà. Je sais pas. Il y a des nanas à poil quand même. Ah oui, mais ce n'est qu'au début. C'est à mon avis, c'est un produit d'appel. C'est pour les gens qui lisent les 10 premières pages. Tu feuillais tout au début pour voir, tu oui. Dis, il y a des nanas à poil. Et figure-toi que j'ai tilté aussi sur le truc. Non, il y a une nana à poil. On voit les poils. Oui, c'est ça le truc. Et en fait, y a une réflexion tout à fait comique d'ailleurs d'un petit qui fait non, je suis sûr que c'est pas des poils, je suis sûr que c'est une toute petite culotte noire qu'elle garde pour se baigner. Bon, voilà. Juste devant. Juste devant. Alors il y a un ou deux trucs qu'ils osent effectivement. Par exemple, la nana à poil, mais effectivement à poil. Et ben ça, dans l'enfeuste, il s'était retenu. Donc d'un côté, là, hop, allez. En même temps, elle est moche. Oh, bon. Ben non, mais elle est mal dessinée, quoi. Ah oui, oh là d'accord. Là. Bon, allez, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Il me semblait que tu avais toi-même une dernière petit petite donjon, BD mais il reste quelques sous minutes, le pied. Alors, ah ça, ça va être terrible pour toi, Bruno, parler en quelques minutes d'un donjon. Voilà, nouveau Donjon Zénith. Donc le sixième Donjon Zénith, c'est la série centrale de cette immense saga créé par Svar et Trondheim. Donc on a Donjon Zénith et puis on a eu droit à Donjon Pontreminet, Donjon Crépuscule, Donjon Parade et Donjon Monster. Donc une immense saga centrée sur la vie d'un donjon. On ne peut plus cohérent. Ça paraît logique, hein. Donc chronologiquement, l'époque qui a précédé la création de ce donjon, puis l'âge d'or de ce donjon, et puis la fin, et puis l'après-donjon. Et Donjon Zénith... nouveau, donc Retour en fanfare, qui est le deuxième volume dessiné par Boulet, qui a repris le dessin, et donc qui a pris la succession Trondheim, qui ne dessine plus Donjon, mais le duo Svar Trondheim assure toujours le scénario. Un épisode qui est largement meilleur que le précédent, me semble-t-il, où on sent que Boulet s'approprie de mieux en mieux, de plus en plus, graphiquement, l'univers Donjon, il est de plus en plus à l'aise, et puis un épisode surtout qui se passe... À Vaucausson, la ville d'origine d'un des personnages principaux, donc Vaucausson, dont est originaire Herbert le Canard. Et donc, il est question à la base de sauver le donjon, mais de manière un peu plus administrative avec un notaire. Et puis il va se passer plein de choses, difficile évidemment de raconter une histoire quand il faut avoir lu pas mal de tomes auparavant. Les fans de Donjon apprécieront cet opus qui est plutôt un bon cru et qui annonce d'autres livres à sortir tout bientôt, puisque en février prochain c'est un nouveau Donjon Monster, le Grimoire de l'Inventeur, dessiné par Keramidas, qui est un auteur de l'écurie Soleil. Et puis un peu plus tard en juin, un nouveau Potron Minet, cette fois-ci dessiné par Gauthier, sans un bruit. Gauthier, on a déjà parlé ici, puisqu'on lui doit par exemple la nouvelle adaptation de Robinson Crusoe, dont le deuxième volume vient de sortir. Et puis un peu plus loin, en octobre prochain, c'est le nouveau Donjon Crépuscule Révolution qui sera dessiné par un nouveau repreneur qui s'appelle Obion, petit nouveau qui promet énormément. Et donc c'est toujours avec cette numérotation un peu particulière. Voilà. Donc à la base, pour chaque, les trois périodes principales, Svar et Trondheim avaient annoncé qu'il y aurait 100 volumes, 100 niveaux. Donc les premiers, dans deux ans, Donjon Zénith, pour le moment on est du 1 à 6. Et puis les crépuscules, ça a commencé au 101 et là on est au 106. Les potrons minés, c'est par ordre décroissant. Donc le prochain, ce sera le moins 83. Ah oui, et ils ont commencé à moins 100 Ouais, mais quand c'est Blin qui avait commencé à dessiner ça, et puis maintenant que Blin a terminé ce dessin, ils sont passés à une autre période, donc il y a des creux. Ah oui, forcément, d'accord. Forcément, il y a des ellipses, puisqu'on se doute bien qu'ils vont pas faire 300 volumes. Ah, plus tous les monsters qui se déroulent à toute époque confondue. Oui. Donc voilà, un bon cru, et si vous êtes fan de donjons, évidemment, et ben c'est par le Donjon Zénith 1 qu'ils font commencer, et puis le Pontromine 1, le Crépuscule 1, le Parade 1, et le Monster 1. C'est logique, hein, finalement. Et puis vous aurez une trentaine de tomes à rattraper.